L'agonie, livre 2, chapitre 18. Dans les sentiers de la vieille espérance, aux brombées de feuillages aux truées lumineuses, sous les murailles continuées en lignes fondues, autour des bassins immobiles dans leurs vêtements d'eau squameuse, autour des pavillons et des statues, en un silence farouche, les prétoriens attendaient le signal d'une lutte qu'Elagabalus hésitait à donner. Ils étaient en ordre de bataille sur trois lignes. Les Astères à la première, les Principes à la seconde, les Trières armées du Pilum à la troisième, et divisés obliquement en manipules, avec des vélites dans les intervalles. Les manipules avaient leur enseigne, une lance surmontée d'une figure de bois et d'un minuscule bouclier d'argent et d'or, orné de la face d'Elagabalus, devant laquelle les soldats prêtèrent jadis serment. Dans les fonds flottait le vexillum, l'étendard de la cavalerie en partie rentrée. Pièce de drap attachée à une lance, gardée par des antécinières et des officiers couraient vers le prostyle où s'élevait une haute pique enroulée d'un drapeau rouge pendant que les trompettes et des clairons clamaient ça et là. Les soldats s'impatientaient. Presque tous étrangers, ils se promettaient par avance, en des langages inconnus, le pillage de Rome. Car il ne voulait pas défendre l'empereur pour lui-même, l'empereur qu'au besoin ils eussent égorgé, comme jadis le pressentit Attilius, s'ils avaient compris la soudaine explosion de la journée. Mais bien satisfaire leurs appétits de meurtre et de vol des citoyens riches d'or, de meubles et de vêtements. Dans ces troubles, le peuple, et non le César compétiteur, s'était seulement présenté à eux. Et c'est pourquoi ils n'avaient pas pris parti pour le fils de Mamméa. D'ailleurs, le bruit d'un assassinat de cette mère et de ce fils n'était pas parvenu jusqu'à eux. Nul doute qu'ils se fussent divisés si réellement ce danger eût été à craindre. Dans une des salles du palais, Elagabalus s'affalait, et Sémias s'animait, et Paula, indifférente, à peine tremblait de l'émeute qui pouvait la rendre veuve d'empereur. Et Attilia s'inquiétait, et Hiéroclès et Zoticus étaient pâles de cette colère du peuple qui retomberait sûrement sur eux. Les chrysaspides se promenaient devant les tentures et les ouvertures de cubiculas, creusant des perspectives d'appartements de marbre et de porphyre. Elagabalus gardait sa tiara d'or, et, sous ses vêtements qui le magnifiaient, il déroulait nerveusement un cordon de soie, pendant qu'un poignard d'or reposait, nu, à ses côtés, près d'une fiole de poison. Car l'empereur préférait se donner lui-même la mort avec des armes prédestinées que la recevoir de quelque main ignoble, tant sa vie extraordinaire devait avoir une extraordinaire fin, sans exemple dans les siècles à venir. Un bruit de cavalerie leur parvint, avec des éclats de trompettes. Aristomachès et Antiocanus apparurent, l'armure poussiéreuse, les ocres des reins teintes de sang. Antiocanus avoua qu'il avait quitté le palais des Césars assiégé par des bandes prêtes à faire un mauvais parti à Mamméa et à Alexandère. « Mais je n'ai pas ordonné cela, » fit Elagabalus en regardant anxieusement sa mère. « Ni vous deux non plus, » ajouta-t-il à Zoticus et à Hiéroclès. Et c'était vrai. L'empereur était étranger à ce projet de massacre supposé qui avait couru si étrangement depuis quelques jours. Semia s'éleva. Nul, fils divin, n'a commandé sans toi, et je le jure, je n'ai pas mis les mains à ce complot. Elle était indignée, car, si elle désira jadis ce massacre, elle n'y pensait plus, depuis qu'Attilius lui en avait montré à la fois l'inutilité et le danger. Cependant, peu craintive, elle s'exalta contre les Romains, que les troupes du camp des prétoriens et celles de la vieille Espérance écraseraient au besoin. Chacun parla alors, et ce fut une espèce de conseil de guerre, très agité, où dominait le sentiment de vengeance contre Rome. Ensuite, nous les punirons en les jetant aux tigres, dit Sotticus, qui avait tremblé tout le temps, et à qui Aristomachès lança un regard méprisant. Il menaçait Mamméa et Alexander, mais Sémias se récria. Non, non, ce sont ces paroles-là qui ont ameuté les Romains. Mamméa est la fille de Mésa, comme moi, et nous avons même sang, et je ne veux point de guerre fratricide. Et elle parla moins en politique qu'en femme nerveuse, faisant vibrer les cordes d'un sentiment exacerbé. Au fond, elle n'était point sanguinaire, plutôt jouisseuse et déséquilibrée, indulgente presque toujours. Son existence à Rome l'amollissait, alors que c'était le contraire pour Mamméa, aiguisée de courage et d'ambition. Tous, d'autre part, se sentaient énervés et comme fous de la dépense de plaisir qui ne s'arrêtait plus depuis 2 années. La dislocation de l'Empire les trouvait indifférents ou quasi hébétés. Aussi, pendant qu'au dehors les chefs de l'armée songeaient à frapper, eux ne voyaient que jouir et rire et s'empiffrer de bonnes choses et ouïr des musiques et des louanges et voir des chairs d'hommes et de femmes et faire l'immense fête de la conquête de l'Occident. À des moments, grossissaient des rumeurs de peuple. Quelqu'un sortait alors pour revenir précipitamment avec des nouvelles de l'émeute. On lança le nom d'Attilius. « Il a frappé fort et il nous revient » fit-on. Effectivement, une immense chevauchée s'approchait. Les jardins s'emplissaient de cavalerie et, en un tumulte d'armes, Attilius accourait. Attilia lui sautait au col, suffoquée, et Sémias lui faisait, sans souci de sa gloire d'impératrice et de clarissime, « Tu n'es pas blessée, tu n'es pas frappée, tu les as dispersées, est-ce pas ?»« Oui, » répondit Attilius soucieux, « mais les portes du palais leur ont été ouvertes, et ceux-là que je combattais offraient l'Empire à Mamméa et à Alexander. » Et il fit un récit rapide de la journée, raconta comment le peuple n'en voulait qu'à Elagabalus, probablement excité qu'il était par des émissaires de Mamméa. Il ajouta, « Tu le vois, l'Empire est chancelant, le monde s'en détache et la pierre noire retournera à Emès. Maintenant, l'armée est avec nous parce qu'elle n'a rien deviné. Demain, elle nous abandonnera. Pour aller à Mamméa ?»« Nous nous ferons des funérailles divines !» exclama Elagabalus, qui se redressa frémissant. Il prit son poignard et le fit tragiquement briller. « Antoninus ne s'en ira pas sans bruit !» Il se comparait à un comédien, à un athlète ou un coureur qui ne veut pas finir indifféremment. Et toute une heure s'écoula à tergiverser et à s'exalter, pendant que, sur le Palatin, le peuple acclamait Mamméa et Alexander, qui n'avaient qu'un signe à faire pour le lancer contre Elagabalus. Mais les clameurs se dispersèrent peu à peu. Sémias, malgré tout vaillante, voulut retourner au Palatin. Comme Hiéroclès, d'une voix traînante, faisait observer que ce retour surexciterait le peuple qui s'apaisait, elle fit « Quoi ? Tu oserais dire que la mère de ton empereur, affranchie, s'épeurerait de ses ennemis? Va, tu es digne de porter la robe de ceux qui n'ont pas de sexe. » Paula se proposait de rester, avec le vague désir d'arracher Elagabalus à Hiéroclès et à Zoticus, assise à ses côtés et tapotant des doigts les genoux impériaux. Mais Sémias, la prévenant, l'emmena avec Attilia en un cortège pompeux de familiers, d'officiers et de soldats qui débouchèrent sur le prostyle du haut duquel des manipules apparurent en un éclat d'armes soulevé. D'autres clameurs roulèrent dans la vieille espérance, exaltées par ces légionnaires qui, à l'envie, voulaient reconduire Sémias, Paula et Attilia, quittes à passer sur le corps du peuple. Et décurions et centurions, chevaliers et tribuns, chefs de la cavalerie et des pédestres, crièrent leur dévouement, offrirent leurs glaives et leurs boucliers, firent l'effroyable serment de venger Elagabalus et sa mère des injures de Rome. Les trières et les principes choquaient leurs armes. Les vélites couraient, des éléphants chargés de tours crevaient sous des feuillages d'arbres très hauts pleuvant de feuilles élargies. Des catapultes et des balistes se dressaient en échafaudages noirs. Le lendemain, Attilius sortit le premier, avec des cataphractaires et des prétoriens qui frappaient leurs boucliers d'un haste et des signifères portant les enseignes des légions. Sémias, Attilia et Paula étaient en une litière, et derrière elles c'était encore de la cavalerie, des prétoriens et des signifères. Avant de sortir, un curieux spectacle leur fut offert. Sur le couronnement des murailles, une bande d'hommes blancs, lorés de feuilles, à leur tête une face amaigrie à barbe pointue sans moustache, psalmodiait une espèce de mélopée, un poème peut-être sur la valeur et la vertu, ce qui fit rire immodérément Attilia. « Ah, celui-là, c'est l'époux d'Abara, le poète Zopiscus !» C'était bien Zopiscus, dirigeant le cœur des poètes, sans les critiques, qui adressait en vers, peut-être, Asclépiades ou Gliconiques, des encouragements à la clarissime mère d'Elagabalus, à son épouse Paula, à Attilia, la fleur du sexe féminin, vraie déification du courage que les siècles à venir vénéreraient triomphalement. Elle leur entendait lire cela, et même leur arriva très clairement, par-dessus le bruit des armes et la chevauchée énorme, cette suprême recommandation de Zopiscus, qui, les bras levés sur le bleu du ciel, faisait « Surtout, lisez bien, qu'on vous comprenne bien, que la clarissime Sémias, que l'épouse de l'empereur, que l'aimable et vaillante Attilia, la sœur du héros Attilius, vous doivent la vie par la lecture de mes vers. » Ils descendirent le Cellius, traversèrent la vallée, et défilèrent devant le Colosseum. Du peuple les suivait, qui roulait des hauteurs voisines, accourait des voix, et, refoulés vers le forum, se tassaient de toutes parts. Puis la cavalerie d'Attilius traversa l'arc de Titus et s'éploya sous la colonne Trajane. Les soldats repoussèrent le peuple vers le Capitole et le Vicus Tuscus, et les femmes impériales, balancées dans leur litière, purent jouir un instant du triomphe de la pierre noire, dominant tout, effrayant tout. Mais déjà, des exclamations couraient sur leur passage. De loin, des poings se dressaient, le peuple moutonnait. On ne criait plus pour le César, mais seulement contre Elagabalus et Sémias, et tout était à craindre d'une nouvelle émeute, plus terrible que la veille. des hommes apparaissant du Palatin et de la Suburra, des hommes dépenaillés, des esclaves et des affranchis échappés des lupanards du quartier, leur jetaient des pierres. Du haut des maisons, des tuiles, des briques et des débris de meubles pauvres tombaient, aplatissant les casques des cavaliers. Alors ceux-ci pointèrent terriblement sur eux, frappant sans miséricorde les Romains qui se redressaient sous les coups avec des éclairs d'armes à leurs poings. Et ce fut bientôt une bataille effroyable qui joncha de cadavres le forum, du Vélabre à la Tabernole. Et ce n'étaient pas des chrétiens qui se battaient, mais des polythéistes, retrouvant après le carnage de la veille leurs goûts ancestraux de lutte civile, peut-être même désireux de renverser l'Empire au profit d'une espèce de république idéale qui n'aurait ni Elagabalus, ni Sémias, qui ne se laisserait pas envahir par l'Orient et jetterait au Tibre la pierre noire et ses sectateurs. Ils étaient comme sous le jet d'une folie de sang qui les avait armés subitement, et la mort qu'ils donnaient ou qu'ils recevaient était irrémissible, car des deux côtés une haine inextinguible dirigeait les bras. Aux premières rixes, des troupes avaient quitté la vieille espérance. Des éléphants s'en échappaient, balayant des flots humains, enlevant des combattants du bout de leurs trompes. Et, du camp des prétoriens, par les portes Capène, Salaria et Viminal, d'autres troupes s'élançaient, occupant les voies qui descendaient vers le forum. Les vélites s'éparpillaient, donnant des coups de javelot à des citoyens qui s'enfuyaient. Des frondeurs faisaient pleuvoir des balles d'argile, même sur les quartiers tranquilles, et des cavaliers se déployaient au galop, criant à des groupes de se disperser. Maintenant, chacun sentait que la révolte n'aurait pas de lendemain, maté déjà qu'elle était par cette vigueur de l'armée. D'ailleurs, elle n'avait ni mot d'ordre ni chef. Elle se battait, exaspérée, mais abandonnée par Mamméa, qui ne voulait courir l'aventure d'une lutte dans laquelle l'armée eût été contre elle. Et, sans aucun plan de bataille, elle se faisait hacher désespérément. Aussi, la moitié du jour à peine écoulée, elle était vaincue, avec de ses cadavres un peu partout. La litière gravissait le Palatin, en un vide ouvert par la cavalerie, quand celle-ci reflua en désordre. Une énorme bande coupait la base du mont, arrêtant l'escorte par des petites barricades de pavés. Des chevaux tombèrent, les jarrets brisés. Un centurion reçut un coup de poignard. Une pierre atteignit Attilius. Alors une effroyable panique eut lieu. La litière fut renversée. Sémias et Paula se relevèrent prestement, pendant qu'Attilia était empoignée par une négresse, fendant de ses gros bras la foule hurlante. « Abara, toi, emporte-moi, emporte-moi loin d'ici, en un endroit où l'on ne tue pas. « Chez ton frère !» lui cria Abara. C'était l'Éthiopienne, désespérée de n'avoir point été emmenée avec Attilia, car elle demeurait avec Zopiscus, son époux. Aussi, dès les premiers coups, elle s'échappait, anxieuse de la rejoindre, et maintenant, au risque de sa vie, elle était là, souriant bonnement avec ses dents jaunes et une grimace de satisfaction qui faisait branler sa tête aux blancs cheveux crépus. Elle l'emporta dans ses bras, car elle était encore robuste à Barra. Écarta un cercle de soldats et de cavaliers qui se refermaient autour de la litière dans laquelle remontaient Sémias et Paula. Quelques instants après, toutes deux couraient à travers des rues étroites, Attilia riant, folle de ce carnage et de cette équipée. « Et mon frère ? » demanda-t-elle. « Au moins, il n'a pas été blessé. »« Oh non, répondit Abarra, qui, s'apercevant que des curieux, attirés par les vêtements éclatants d'Attilia, les suivaient, jeta sur la jeune fille sa palla bleue, au constellement d'or, comme un fond de ciel étoilé. Évitant les voies centrales, elle filait très vite, devant des maisons aux toits se rejoignant en voûte de belvédère très haut, à peine crevées de trous de ciel. Des prostituées y demeuraient, qu'elle vit relevées à peine, malgré que ce fût plus de la moitié du jour, le corps nu sous un simple vêtement, les seins passant dans un entrebâillement de subucula salie. Une lanterne rouge pendait au-dessus de l'imposte, et, dans le vestibule éclairé d'un soleil cru, des peintures obscènes apparaissaient à Attilia, qui, oubliant déjà, à les regarder, les événements de la matinée et de la veille, se mit à pousser des éclats de rire très forts. Alors d'autres femmes se montrèrent, qui leur adressèrent des injures salaces, avec des gestes découvrant leur ventre blanc. « Madette attend, je pense, » faisait Abarra. « Tu ne peux retourner au Palatin maintenant. Tu iras demain. Nous sommes plus près de la maison des Carènes que de la vieille Espérance. Et l'important est de nous sauver au plus vite des coups des Romains. » Déjà, le quartier des Carènes émergeait du fond des rues, avec ses monuments et ses maisons aux terrasses jaunes, au jardin qui faisait des pans flottants de verdure sur des murailles percées de portes cintrées. Des citoyens couraient se renfermer, des combattants de la matinée racontaient les phrases du dernier combat à des groupes grossissant autour d'eux. Parfois, des décuries de soldats dispersaient tout, à coups de pique et de glaive, en une courte rixe à laquelle prenaient part les mêmes combattants. Le pauvre Madet, tu vas l'amuser du récit de ce qui se passe. Voilà longtemps que ton frère le garde là-bas, comme tu sais, et si ce n'était toi et ce Gaël, il y serait mort d'ennui. À peine si ton frère l'a emmené à la vieille Espérance, tant il craint qu'il ne lui soit enlevé. » Et Abarra rit silencieusement, prenant le bras d'Attilia, qui lui répondait « C'est comme toi. « Si Opiscus t'était enlevé, aussi le gardes-tu, dit Abarra. »« Oh, moi, fit la négresse, je préfère Attilia, tu le vois bien. J'aurais pu rester avec Opiscus à la vieille Espérance, puisque mon mariage avec lui m'a affranchi, car tu as voulu qu'Elagabalus m'affranchit. Mais je songeais à toi, je tremblais que la bataille te fût funeste. Et maintenant que se battent les Romains, que Sémia soit massacrée, et Paola également, et avec elle l'Empire. Vois-tu, rien ne dure. Et la Gabalus s'en ira avec Sémias, Hiérocles, Zoticus, Murissimus, Protogenes, Gordius, Zopiscus, toi, moi, Attilius, les soldats, les cavaliers, les poètes, les prêtres du soleil, la pierre noire, les hommes de joie qui sont les amants de l'empereur, et ton sénat de femmes sera dispersé. Et tes bijoux, et tes vêtements, et ton rire, et ta jeunesse, et ta joliesse, et tout. Zopiscus me fait attendre d'ici là, moi, vieille éthiopienne. Il me chatouille, et il couche avec moi, et je le force à me chatouiller pour rire, et à coucher avec moi pour prendre du plaisir. Depuis 40 ans, je n'en avais point pris. Aussi, quoique robuste jusqu'à présent, je sens que, comme tous, je m'écervelle, que ma tête tourne et que plus rien ne me fait la vie. Amuse-toi bien, Attilia. Avant une année, nous aurons passé et vécu et joui et ri. Et tant pis pour nous si nous avons passé et vécu sans rire et jouir. » Ses paroles étaient saccadées, ses gros yeux blancs roulés, sa face noire se plissait. Et elle riait d'un rire sec qui faisait vibrer ses dents jaunes. Attilia, par contre, ne riait plus, sous le coup des choses funèbres que lui disait Abarra. Derrière elle, les clameurs s'éteignaient. La cavalerie du primicerius Attilius marchait lentement en une chevauchée dont le bruit leur parvint, calme. Un grand cri seul éclata encore, avec une fusée d'autres cris. Puis tout se réapaisa. Rome était sans doute pacifiée.